Elle n'a pas encore de plume, la flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle se rit bien des gondoles, des fleurs bleues, des galants discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. N'allez pas croire davantage que le démon brûle son corps. Il s'arrête au premier étage, son septième ciel, et encore. Elle n'est jamais langoureuse, passée par le pont des soupirs. Elle voit comme des bêtes curieuses, celles qui font l'amour par plaisir. Elle voit comme des bêtes curieuses, celles qui font l'amour par plaisir. Croyez pas qu'elle soit à vendre quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau. Avant d'aller en bacchanale, elle présente pas un devis. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Mais alors, pourquoi cède-t-elle sans cœur, sans lucre, sans plaisir? Si l'amour vaut pas la chandelle, pourquoi le joue-t-elle à loisir? Si quiconque peut sans embâge l'aider à dégrafer sa robe, c'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob. C'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob.